tient bon, la bite et tient bon le gland. Iseo Santillano, si tu ne dis rien à ta maman, t'auras un paquet de pépito. Tiens bon. Tiens bon le gland, Iseo Santillano.